dit, je le vois aujourd'hui. Tu es devenue belle, une femme accomplie. Nos parents se connaissent, toi et moi sommes des amis. Je suis pour toi un frère, mais je dois te l'avouer, je t'ai pas vu. Mais je dois te l'avouer, je t'ai pas vu grandir.